Section 42 de la lecture, tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 2e. Section 42. L'adoré par René Mézeroy. Février 1886. Marthe est dans le train, comme ils disent au club, et elle se lance de jour en jour. J'ai lu hier son nom dans les échos d'un journal mondain, et il m'a semblé que quelque chose se brisait en mon être. On la cite à côté de Lady Wismore et de la duchesse de Champaubert. On décrit ses toilettes et sa beauté, comme si elle appartenait à tout ce Paris que je hais. Elle était une acteuse en vogue, que l'on applaudit, ou que l'on siffle. À la vente pour les orphelins du Sacré-Cœur, elle a tenu le buffet, et comme, vers le soir, toutes les bouteilles de champagne, toutes les assiettes de sandwich étaient vides, elle s'est dégantée et a donné pour 5 louis ses mains à baiser aux attardés qui l'importunaient. Elle conduit son boguet, le matin, dans l'allée des Acacias, et Paris aux courses. À peine me prévient-elle quand elle dîne ou déjeune avec ses amis. Je ne compte plus. Pourquoi se gênerait-elle avec moi? Que faire? Boire de l'alcool, s'abrutir de fatigue en des débauches et des exercices violents, traînailler chez les uns, chez les autres. Où cela mène-t-il? Voyager peut-être, s'étourdir dans le déroulement des décors imprévus, dans l'étude des idiomes ignorés. Misère, n'avons-nous pas roulé de pays en pays, alors que nous nous aimions, que je suivais ses cheveux blonds, comme la lueur d'un phare? N'avons-nous pas semé partout nos tendresses et nos aveux et nos serments, comme on éparpille dans les sillons des poignées de blé? Partout, partout se rouvrirait la blessure, se tremperaient les yeux de larmes inutiles. J'ai des amis, mais ce n'est pas de l'amour, hélas, ce n'est pas ce qui fait vivre et rêver et jouir. Et je bois, je me délecte de ce qui brûle, de ce qui saoule, je vois bleu quelquefois, je vois noir surtout, je vois rouge aussi, et j'ai peur alors de moi-même. Je sens que ma raison vacille, qu'une idée terrible s'y incruste, s'y enfonce, comme un clou. Je me sauve de l'autel pour ne pas être seule, pour sentir des coudoiements, du bruit autour de moi. Fin de la section 42, enregistrée par Margot.